Dialogue. À la terrasse d'un café. Écoutez. Garçon, j'arrive tout de suite. Que veux-tu boire? Un coca bien frais, et toi? Moi aussi. Quelle chaleur tout d'un coup. Tant mieux. Oui, l'hiver a été vachement long. Ce beau temps ne donne pas envie de bosser. C'est bien vrai. Pourtant, demain, j'ai un devoir surveillé de physique. Le dernier avant le bac. Tu es bon en physique? La moyenne. Et encore, les bons jours. Répétez. Garçon, j'arrive tout de suite. Que veux-tu boire? Un coca bien frais, et toi? Moi aussi. Quelle chaleur tout d'un coup. Tant mieux. Oui, l'hiver a été vachement long. Ce beau temps ne donne pas envie de bosser. C'est bien vrai. Pourtant, demain, j'ai un devoir surveillé de physique. Le dernier avant le bac. Tu es bon en physique? La moyenne. Et encore, les bons jours.